vitrine, dans mon espace j'ai 30 millions d'amis. J'ai pas grand chose à proposer, alors je me transforme en objet. Puisqu'il n'y a plus que ça dans l'entourage, je communique à travers une image. Dans mon intimité, lâcheté comme cher invité, bienvenue. Mais dans mon intimité, lâcheté comme cher invité, balance-moi des déclarations. Dis-moi que t'es en adoration. Si tu m'as preuve de compliment, je mets pour toi dans un moment. On se consommera mutuellement en ne se voyant que partiellement. La voix se faufile à sens unique lorsqu'on communique de profil. Et je conçois mon avatar, je le suis. Je reste planqué derrière à l'écart. J'envoie en éclaireur récupérer des réactions afin de mesurer l'impact de ma représentation. Qu'en pensez-vous? Parlez-moi de moi. Caché derrière ma barricade, je balance mon estime aux enchères. Façonnant à fond ma façade, j'ai besoin d'être prisé pour être fier. Je me trouve une vie palpitante. Pour qu'on m'envie, faut que j'invente. Tellement assiégé par le spectaculaire. Si je ne fais pas ça, de quoi j'ai l'air? Surabondance de flatterie, égo gonflé par la gâterie. Mais pourtant jamais repu l'échanger si vite de contenu. Le tout tout de suite, j'en suis avide. Des rencontres à la va-vite, je tisse du lien derrière la vitre. Mais dans la vie, les passants, j'évite. Dans mon espace j'ai 30 millions d'amis. J'ai pas grand chose à proposer, alors je me transforme en objet. Puisqu'il n'y a plus que ça dans l'entourage, je communique à travers une image. Dans mon intimité, lâcheté comme cher invité, bienvenue. Et dans mon intimité, lâcheté comme cher invité. Suivre.